À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les partis politiques progressistes et les organisations d'amitié nordique ont tenu le 11 un meeting à Stockholm, Suède. Y ont participé les personnalités et membres des partis politiques progressistes, des organisations d'études des études justes et des organisations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen de l'Europe nordique, comme le Parti communiste suédois et l'Union communiste finlandaise, ainsi que l'ambassadeur coréen en Suède et ses collaborateurs. Les participants ont déposé tout d'abord les bouquets de fleurs et les fleurs devant le tableau de beaux-arts figurant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il avant de rendre hommage. Les discours ont été suivis de la lecture de la déclaration. Les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.